Que Dieu soit loué. Amen. Pour ce bon dimanche, que Dieu soit loué. Pour la grâce de vie à chacun de nous, que Dieu soit loué. Pour la force physique qu'il a donnée à chacun de nous, la respiration, le mouvement, que Dieu soit loué. Nous le remercions de tout cœur et nous l'adorons sincèrement. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions maintenant pour ce grand privilège que tu nous accordes sur la terre des vivants de nous rassembler en tant que fils et filles de Dieu. Non pas parce que nous m'accordons à faire à cette époque. Les occupations, il y en a. Les programmes, on peut même en aider. Mais nous venons parce que notre vie sans toi n'a pas de sens. Christ est le sens de notre vie. C'est lui qui a le Fils de Dieu à la vie. Et c'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Telle est la déclaration de ta parole. Écrite dans la Sainte Bible. Nous y croyons et nous agissons en conséquence. Nous appelons sur la scène maintenant, Seigneur, pour que notre rassemblement ne se fasse pas autour de nous-mêmes, mais que ça se fasse avec toi, autour de ta personne, autour de ta présence, autour de ton nom, autour de ta gloire, la gloire de la Shekinah, autour de ta présence, autour de ta puissance. La puissance du salut, la puissance qui délivre. De faire cela maintenant, comme tu l'as répandu en Christ, répands-la aussi ici dans l'église. Nous voulons en être bénéficiaires. Que les signes des démons soient brisés. Amen. Tous les symboles des démons parmi nous soient brisés. Amen. L'air satellite, les indices téléphoniques, les télécommunications métaphysiques, les sous-bassements de messages sorcellerie, les hôtels des démons, les maladies chroniques, tous les fièvres, où les démons siègent trop, pour dominer sur une partie de la Bible, qu'ils soient tous détruits au nom de Jésus. Élève l'éternel, ô éternel, Jéhovah Nissi, tu es notre panier. Élève comme l'éternel, que ta droite soit élevée, que tes ennemis se disent. Que leur siège soit détruit. Dans mon frère, dans ma soeur, parmi le peuple, dans l'église, non seulement ici, mais partout, ton nom est invoqué, avec sincérité et humilité. Souviens-toi de tes enfants dans le monde entier. Partout sur cette terre maintenant, là où ils sont rassemblés, soyons là, Seigneur. Que la présence des démons soit maudite. Seigneur, que la gloire de Dieu se manifeste avec toi. Pour restaurer nos âmes dans la condition de racheter, dans la condition de fils et de filles de Dieu, dans la joie du salut, dans l'amour parfait, dans la croissance spirituelle et la puissance des miracles. Parce que Jésus-Christ est le même. Que les jours des miracles sont passés. Il peut agir encore maintenant. Exaucer nos prières. Renverser le piège. Réduire le complot des démons. Tous les programmes maléfiques. Réantisse la Seigneur. Par la puissance de ton nom. Et exauce nos prières. Donne la force aux faibles. La consolation aux appuyés. La lumière aux âmes ténébreuses. Les cœurs repentants, les cœurs de Yambola, ceux qui te cherchent, comme une biche soupire après le Seigneur, abreuve-le Seigneur, abreuve-le au nom de Jésus, abreuve nos âmes et rafraîchis-nous, nous te croyons et nous persévérons. Nous renouvelons nos engagements et nos vœux sacrés pour toi. Crée-nous maintenant dans le sang et dans le cœur. L'agneau immolé de Dieu, Jésus-Christ l'immuable. Que son nom nous garde, que son nom nous bénisse, que son nom nous donne la paix, que son nom nous élève et que son nom nous rende plus que votre. Le nom merveilleux, miraculeux, suprême, souverain, immuable, puissant, adorable, vénérable, respectueux, que son nom soit élevé, au nom de Jésus-Christ, tout puissant, et pour toute gloire. Amen. Amen. Louange à Jésus-Christ. Et que son amour triomphe dans nos cœurs. Que sa gloire vienne encore. Que Dieu te visite. C'est notre prière. Que Dieu te visite. Nous lisons la Sainte Parole. Dans Zacharie au chapitre 12. Le verset 1 à 6. Zacharie chapitre 12, verset 1 à 6. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tout le peuple d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tout le peuple. Tous ceux qui la souleveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire à ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux du peuple. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ces jours-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi les bois, comme une torche enflammée parmi les gens. Ils dévoreront à droite et à gauche tout le peuple d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place. À Jérusalem. Amen. L'Italie est le banaya où il pona l'Israélé. Yahweh a lobi. Yehoho attendra qu'il le lampe abondisse qui mokilipe a tchaki moli monamoto kati na yete. Tala na lingi kozali sa l'Israélé mais koko na kote temisa et pas ina bato yonso. Bajali kozingela. Je côté les matos, Yuda, Natangoana, et Tumba, et Kojingela, Yerusalem. Namokolo Yango, Nakojalisa, Yerusalem, Libanga, Nabozito, Kona, Mabota, Yonso, Bao Yonso, Bakotu, Bakokumba, Yango, Bakojimisa, Mamingi Penza. Mabota, Yonso, Namokili, Bakoyangana, Kotele Mela, Yango. Yaya Lobieti, Namokolo Yango, na kubeta mbalata yonso na kukamwa ni batamboli baoyo bakotambola kali kolona yango na zoba na kujipula miso na ngai likolo na ndako na Yuda pe na kubeta mbalata yonso na mabota na kujimama na miso bongo likolo na Yuda mikolo na bayuda bakoloba na mitema na bango ete bafandi na Yerusalemu bajali nguya na ngai kuna Yawe na Bibele nzambi na bango na mokolo yango na kojalisa mikolo na Yuda lokola mbeki na moto kati na nkoni pe lokola esungi na moto kati na mibimba na masango pe bakozikisa bato yonso bajali kozingela bango na epai na mobali pe na epai na mwasi Yerusalemu ekovanda lisusu na esika na ye kati na Yerusalemu penza. Apocalypse chapitre 11, verset 7 à 14. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et le tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Les hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront de présent les uns aux autres. Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils s'éteignirent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le 2e malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Voilà, et aussi la bango, l'itatolina bango, n'yamaoyo akobutanali, bouluna, bojindo, akobunana na bango etumba, akoleka bango pe akoboma bango. Bibembe na bango, bikolala na balabala na mboka yango monene, oyo ebyangami na lisese ete Sodomo na Egipito. Kuna nkolo na bango, balabala mboka yango monene, oyo ebyangami na lisese ete Sodomo Egipito. Kuna nkolo na bango pe abakisamaki na ekurusu. Bamosusu na bilolo na mikili na minoko na mabota bakotala bibembe na bango mikolo misato na ndambo mpe bakopesa nzela ete bikutama na lilita te. Bango bavandi na mokili bakosepela mpona bango mpe bakoyoka esengo bakokaba na makabo mpo ete basakoli yango mibale batumolaki bafandi na mokili. Kasi na nsima na mikolo misato na ndambo molimo na bomoi oyo abimi na nzambi akoteli bango mpe batelemi na makolo na bango mpe soma monene ekoli bango nyonso batali bango bayokaki mongongo makasi na likolo kolobaka na bango ete bobuta awa babuti na likolo kati na lipata mpe bayimi na bango bamoni bango. Na tango yango mokili eningani mingi pe ndambo na zomi na mboka yango ekweyi bato koto sango bakufi na koningana mpe bango batikalaki babangaki mingi mpe bakomisaki nzambe na likolo. Mawana mibale esili mawana misato ekoya noki. Apocalypse chapitre 16 verset 12 zomi na mibale Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit. pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. J'ai vu sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Oyera motoba sopimbe kinaye ebali yango monene pelata mai yango makauki etenzila ebongisa mapona bakonzi balongwe na ebimelo na tango namoni molimo na mbindo misato lokola mbemba kobima na monoko na dalagona pe na nyama mpe na mosakoli na lokuta po ete bazali milimo mabe kosalaka bilembo baoyo balkei epai na bakonzi na mikili nyonso koyanganisa bango mpona etumba na mokolo yango monene na nzambe na mozwi na nguya nyonso tala na koya lokola moyibi esengo na ye akengeli mpe abateli bilamba na ye ete atambola bolumbu te mpe amona nsoni te ayanganisaki bango na esika ebyangami na monoko na libele ete alamaki etonde. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous nous asseoir au nom de Jésus-Christ. Nous souhaitons à chacun la bienvenue ici. Bienvenue dans l'église du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Et que la grâce du Seigneur soit accordé à chacun de nous. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et que le nom du Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable pour un nouveau départ et une merveilleuse marche. Avec le Dieu de grâce, source de notre salut et de la vie éternelle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, Dieu voulant, nous reprenons le sujet de méditation de dimanche passé, à savoir comment débutera la bataille d'Armageddon. Car comme nous l'avions dit, après avoir annoncé ce sujet, l'orientation que le Saint-Esprit avait donnée à la prédication du dimanche dernier était celle de répondre à la question de savoir quand débutera la bataille d'Armageddon. Nous avons essayé plus de répondre à cette question-là plutôt que à celle de savoir comment débutera la bataille d'Armageddon. Alors, au courant de la semaine, la conduite que le Seigneur nous a donnée n'a pas consisté à reprendre comme je le souhaitais la même pensée déjà mercredi pour enchaîner comme cela, mais il avait changé de conduite pour nourrir nos âmes au sujet de la seconde venue de Jésus-Christ avec le nué. Et c'était notre méditation de mercredi. Et après cela, il y a eu, comme je m'y attendais évidemment, il y a eu quelques questions parmi les enfants de Dieu qui m'ont vu après la prédication selon les programmes ici de la prédication. Ils ont posé, l'un doit poser la question, mais il y avait deux, trois autres qui étaient dehors et envisageaient également de nous voir pour poser la question, des questions là-dessus. Et celui qui était rentré à partager avec eux, c'est nouveau, il fallait qu'on en aussi comme ça, on allait parler un peu de ça ensemble. Alors, La seconde venue de Jésus-Christ avec les nuées ne concerne pas l'église de tes nations. Ça, c'était vu clairement, Bible et message à la fois. Pour ceux qui n'avaient pas été là, vous pouvez réécouter les prédications de mercredi qui étaient enregistrées. Et vous allez vous rattraper. Nous ne sommes pas comme dans une certaine église où l'on dit qu'on ne répète pas la messe pour les paresseux. Non, pour nous, la parole de Dieu, c'est la nourriture de tous les jours. Et voilà que nous vous répétons les mêmes choses sans nous lasser. Car cela vous est salutaire. Pour annoncer le salut, le message du salut, nous ne nous fatiguerons pas. Alors, la seconde venue de Jésus-Christ sur les nuées ne concerne pas l'église des nations, mais elle concerne Israël. Et là, il viendra sur la terre. Et cette fois-là, il sera reconnu et reçu par Israël. Et pourquoi ce changement-là? Parce que lorsqu'il est venu la première fois, c'était sans les signes de la divinité. Les signes visibles de la divinité. Il est venu comme un simple homme. Pire encore, comme un bébé né dans la crèche. Une famille extrêmement pauvre. Il n'avait même pas d'argent pour assurer l'hôtellerie de la maternité de l'enfant Jésus. Et tout cela était devenu une pierre d'achoppement. Qui, connaissant que leur Dieu était tout puissant et tout grand, il ne pouvait pas le moins du monde s'imaginer que Dieu qui avait promis de venir parmi eux puisse venir de cette manière humiliante. Ils ont maudit cet enfant. Ils ont taxé des belles chevaux. Un enfant bâtard. Il faut le fondre tout ce que vous voulez. Alors, là c'était à sa première venue. Et Dieu l'a fait sciemment comme ça. Parce que dans le secret profond de son cœur, il avait un plan caché. Il avait déjà communiqué par les prophètes anciens d'Israël. Que le peuple d'Israël n'arrivait pas à voir. C'était un plan secret. Quand eux lisaient l'Ancien Testament, jusqu'à ce jour d'ailleurs, un voile est jeté sur les yeux. Dieu ne les racache. Quel était son plan? Le plan du salut de Dieu pour le reste de la vie. Dieu voulait trouver une raison. Le Dieu d'Israël, qui avait dit que d'entre tous les peuples de la terre, je t'ai choisi toi seul Israël, pour être mon peuple, pour être le peuple de mon alliance. Dieu l'avait déjà dit par Moïse. Depuis Exode 19, verset 5, Dieu l'avait déjà dit. C'était l'unique peuple que Dieu avait choisi. Maintenant, ce Dieu-là, comment allait-il faire pour introduire les autres peuples? Donc quand Israël a entendu ça, il y a cru pendant des jours. Et c'était devenu une évidence qu'en dehors d'Israël, il n'y avait pas d'autre Dieu. Et le seul peuple qui connaissait le vrai Dieu n'était que le peuple d'Israël. Et ils étaient jaloux de leur Dieu. Face au reste des nations. Maintenant Dieu savait que l'alliance était nouée. Qu'allait-il faire alors pour introduire les autres? Il est venu les aveugler. Et il est venu à eux d'une manière scandaleuse. Donc lui-même Dieu savait, mes enfants d'Israël, avec ça, ne me recevront pas. Mais il a fait sciemment comme ça. Il est venu comme un homme ordinaire. Sans les signes de sa divinité. Et comme un bébé né dans une extrême pauvreté. Alors, ils ont eu raison de ne pas croire. Et Dieu aussi leur a donné raison de ne pas croire. Dieu est un grand stratège. Il n'y a pas de meilleur metteur en scène que lui. C'est pour ça que moi je n'ai besoin ni d'être théâtre ni de film d'action. J'ai besoin de la parole de ce Dieu-là. Et des événements qui s'accomplissent conformément à la parole de ce Dieu-là. Parce que c'est la vraie mise en scène de Dieu. Et il passe en action pour les accomplir. Et il nous le révèle quand il le fait. Pas théâtre et cosa. Le film d'action est comme ça, mais la parole de Dieu est la vérité. Une telle cohérence entre les prophéties et l'accomplissement est claire comme l'eau. Plus éclatante que la lumière du soleil après-midi. La parole du Seigneur est merveilleuse. Tu crois comme moi que la parole du Seigneur est merveilleuse? Oui, que Dieu vous bénisse. Elle est vraiment merveilleuse et riche. Dieu s'est voilé dans un masque minimisable, méprisable. Et il avait décrit d'avance ce qu'il serait. Il a dit que votre Dieu viendra lui-même pour vous sauver. Et il a dit qu'il sera un homme de douleur et habitué à la souffrance. Il sera le serviteur de l'Éternel. Homme de douleur et habitué à la souffrance, méprisé et abandonné des hommes. Et c'est ce qu'il était textuellement. Maintenant, un juif avec son orgueil ou sa fierté d'être de connaître l'unique Dieu et aller accepter de présenter une telle histoire à des amis, à la famille, et dire que c'est ça le Jéhovah Dieu d'Israël. À tous les rabbis on dit allez allez allez pourquoi le Dieu d'Israël qui a dit à Moïse quand il descendait sur la montagne que le peuple reste à l'éloignement, que celui qui s'approcherait serait frappé de mort. Et maintenant cette histoire de Jésus qui ne pèse même pas 60 pauvre comme pas possible. Il était même sans domicile fixe. Et il les disait lui-même librement. Les renards ont leur peignoir. Et les oiseaux ont leur nid. Mais le fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Il l'a dit ouvertement. Ah, ils disent que c'est ça le Dieu tout-puissant. Créateur. Longa. Dieu l'a fait sciemment. À travers le prophète de sa vie sur terre. Et ensuite, à travers la mort par laquelle il est mort. Pendu au bois. Alors que la loi du Dieu d'Israël disait, maudit soit quiconque et pendu au bois. Dieu d'Israël, tout-puissant, à qui tout obéit, venir comme une malédiction. Malédiction. S'il est maudit, ça veut dire qu'il n'avait même pas Dieu lui. Donc cet homme qui est maudit comme ça, n'avait même pas Dieu. Ils se sont moqués de lui à la croix. Il a appelé Élie, moqué Élie, vient le sauver. Il semble qu'il s'est confié de où est ce Dieu-là. Un homme qui n'avait même pas Dieu. C'est l'autre de évidence que les Juifs ont rassemblé. Un homme qui n'avait même pas Dieu au regard de la loi des dieux d'Israël. Est-ce que cet homme qui n'avait même pas Dieu pouvait-il être Dieu lui-même? Donc pour eux c'était évident. C'est ainsi que quand Pilate a posé la question, entre Jésus appelé Barnabas, entre Jésus appelé Barnabas, Barnabas appelé Jésus, Et Jésus appelait le Christ. Et Jésus soit bien ami Christ. Entre les deux Jésus là. Si voulez-vous que je vous relâche. Le lundi, Nati Kanani. Oh, Jésus Barnaba. Jésus soit bien ami Barnaba. Non, Barabbas. Barabbas. Excusez-moi, c'est pas Barnaba. Barabbas. Barabbas. Okay. Jésus Barabbas. Jésus Barabbas. C'était un danger public. Un criminel impitoyable. Un assassin, un voleur. Il avait été arrêté plusieurs fois. Et qui attendait sa, l'exécution de sa peine de mort. Tellement il avait tué, volé. Endeuillé de famille. Et il était un seul qui n'écoutait pas. Alors, Israël savait que ce criminel attendait l'exécution de sa condamnation à mort pour avoir que cette histoire finisse. Mais c'était Jésus appelé Barabbas. Pilate vient leur demander maintenant. J'ai devant moi deux Jésus. Jésus Barabbas et Jésus le Christ. Et Jésus le Christ. Qui voulez-vous que je vous relâche? Ils ont même bouché les oreilles. Pour crier très fort. Et alors, il a entendu. Et il leur demande. Bango. Que ferai-je alors de ce Jésus appelé le Christ? Ils ont encore bouché les oreilles. Tout le monde en fait, hein? Ils ont dit, crucifié! Et Pilate a entendu à haute voix. Il a dit, donnez-moi un bassin d'eau. Il a dit, il lave les mains. Il est là, il ira livré. Faites de lui ce que vous voulez. Ils ont préféré un danger public. Que Jésus, le Messie sauveur. Tout cela venait de Dieu. Qui peut dire amen à la vérité? C'était la mise en scène de Dieu. La haute stratégie divine. Pilate a lavé les mains. Pilate a sauvé la boco. Mais l'eau là qu'on lui avait mis dans le bassin n'était pas suffisant. Yangwe ko kakite. Pour les dédouaner de sa culpabilité. Parce qu'il a joué un rôle. Yasala ki musala. Il demeure coupable envers le sang du Fils. Pilate. Il a tout. Devait en répondre. Parce que la décision dépendait de lui. Il avait le pouvoir de refuser ce que les gens lui disaient. Pour libérer Jésus et maintenir le vrai condamné en prison et attendre l'exécution de sa peine. Savez-vous que notre Jésus a été condamné à mort sans procès? Il n'a jamais répondu à un juge sur une convocation régulière. On est venu le prendre manu militaire comme un criminel, là où il priait. Ils n'ont pas tenu compte du sacré. Ils n'avaient pas le sens du sacré. Les gens, quand ils sont dans l'atmosphère de prière, ils ont violé le sacré. Venir avec des bâtons, et n'importe quoi, pour mettre la main sur lui. Et ils l'ont amené comme ça. Et bruitamment, quelqu'un qui avait faim, on l'a jugé nuitamment. Il vient là-bas devant les prétoires. On lui pose des questions. Mais il n'y avait pas de convocation. Dans le respect des droits de l'homme. Il n'y avait rien. Il y avait rien. On les questionne. À certaines questions, ils répondaient. À notre silence. À un moment, Pilate lui a dit. Sais-tu que j'ai le pouvoir de te libérer comme de te retenir. Jésus lui dit. Il n'a aucun pouvoir. Alors, vous allez envoyer mon côté. À part celui que mon père t'a permis d'avoir. Amen. Aïe de mon Dieu. Qui peut avoir l'audace? Mandaté et nommé par le roi Hérode. C'est juste un esclave. Il a fait un tour. Jésus lui dit, je suis venu sur terre pour rendre témoignage à la vérité. Et vous ne voulez pas de la vérité. Es-tu le roi des Juifs? Tu le dis. Ça veut dire quoi? Et maintenant après, il dit, qu'est-ce que la vérité? Dis-moi un peu, Jésus. Réponse, silence. Il ne lui a pas répondu. Pourquoi? Il avait déjà donné réponse à cette question à ses disciples. Et Pilate n'étant pas son disciple, n'avait pas droit à cette réponse. Il devait aller dans les bancs d'enregistrer. Pour recevoir la réponse sur qu'est-ce que la vérité. Telle est cette révélation parmi les disciples. Il avait prié disant, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Après qu'il ait prié comme ça, il a posé les questions. Est-ce que la vérité? Il n'a eu aucune réponse. Amen. C'est ce que j'ai le pouvoir de te relâcher. Il n'a aucun pouvoir. Jésus savait que tout ce qui s'est passé, c'était déjà écrit. Comme il avait prévenu dans Luc 18, il avait dit, nous allons à Jérusalem. Et là, tout ce qui est écrit au sujet du système, ça s'accomplira. Jésus le savait consciemment. Il n'y avait rien au hasard. Alors il craignait rien. Il a affronté ses adversaires, ses détracteurs, en toute sérénité. Il n'a parlé que quand l'Esprit du Père voulait qu'il parle. Il est notre divin modèle. Mais c'est Dieu qui faisait la mise en scène. Un grand metteur en scène. Quand les Juifs ont vu qu'effectivement il a été crucifié, son sang a littéralement coulé. Même ses propres disciples l'ont abandonné, ils ont pris la place. L'écriture dit ça. Mais ça aussi, ce n'était pas au hasard. Le Seigneur les avait déjà annoncés. Un seul suivait de loin. C'est le disciple que Jésus aimait beaucoup. Appelé Jean. C'est lui qui suivait les événements de loin. Il a fui comme les autres. Il commence à suivre quand même. Ils en sont ouverts. Et tout. Et quand on l'a crucifié, il a couru maintenant timidement là. Jusqu'au pied de la croix. Où se trouvait Marie, la mère de Jésus. En larmes. Regardant son fils miraculeux. Cet homme phénoménal. Incomparable. Marie n'en revenait pas. Elle pleurait. Et Jean est venu pour la consoler. Et Jésus, du haut de la croix, a appelé Jean. Et il a appelé Marie. Il a dit, femme, voici ton fils. Et fils, voici ta mère. Là, s'adressant à Jean. qui parla à Marie, il l'a pas appelé mère. Nous le frère Jésus l'a appelé mère. Et pas une côté, ça vient à qui maman boue. Si vous avez le verset, produisez-le. Ce qui vous allez na, Jésus n'a jamais appelé Marie mère. A qui cala kubenga Marie maman ta mokolo mokoti. Même les jours où sa mère est venue le chercher. Ata mokolo maman na ekolo kaye. Vous voulez lui dire? Balobelier. Réagir en disant. Qui est mon père? Qui est ma mère? Nazali katana nga nazali maman nga. Jette les regards sur ses disciples. Ata liba ekolo naye. Voici mon père et maman. Alubitala katana nga ikala maman nga. Ceux-là qui étaient dehors, on ne sait même pas. Et ce qu'il a dit Bamboni. La délégation familiale qui était venue là-bas. Voilà, et on ne sait même pas. Et ce qu'il a dit Bamboni. Il a répondu seulement que mon père et ma mère, c'est vous. Tous ceux qui entendent la parole de Dieu, et qui y obéissent. Voilà mon père, voilà ma mère. Voilà les meilleures scènes à suivre. Alors, Jésus est mort. Il a été enseveli. Mais le troisième jour, selon le programme de Dieu, il est ressuscité des morts. Revenu à la vie. Il y a des polémiqueurs qui veulent faire des débats au monde. Jésus est-il resté longtemps mort? Est-il réellement ressuscité? Et on est en train de fonder des films. Hein? J'en ai une copie. Nazalina moko, la tombe familiale de Jésus. Wana kunda ya libota Yesu. Et on nomme ça la tombe de Talpiot. Wana bazali kubenga yango kunda ya Talpiot. Des soi-disant chercheurs qui étaient allés. Baluki et kubenga baluki yo bakoko. Ils sont allés casser même là-bas Jérusalem. Bakekubuka kuna Jérusalem. Allés casser des décombres de vieilles maisons. Babuki ba ndako ya kala kala wana. Et puis ils ont trouvé une tombe. Bakuti lilika kuna nakati malisha. Là où était enterré Jésus. Et pas yoatu kunda Yesu. Ils auraient prélevé les traces des ossements là-bas. Wana, bichali, kila, nikuwa, et puis à côté là-bas, Apembeli, ils auraient encore trouvé la tombe de Marie Madeleine ou Marie de Magdala. Wana, kundawe, Marie Madeleine. De laquelle Jésus avait chassé sept démons. Oye, sabengala, kwa démon na sambo. Donc c'était la tombe de Jésus comme ça. Oye, et puis la tombe de Marie Madeleine. Oye, Marie Madeleine wana, et puis entre les deux tombes, Katami, vale. Il y avait la tombe de certains Judas, fils de Jésus. Ezalaki oyo ya Yuda mwana na Yesu. Donc, et puis ils ont raconté Malubi. Que selon ces témoignages, Otali la matatu liwana. Donc, quand Jésus était enseveli là où on l'avait enseveli là, sa famille était allée réclamer le corps. Et ils l'ont amené là où ses ancêtres étaient enterrés, comme c'était la coutume en Israël, les gens étaient enterrés par regroupement familial. On aurait amené le corps de Jésus par sa famille jusque dans la tombe de Talpiot. Et puis, Jésus avait eu une relation secrète avec Marie Madeleine. Soit disant que c'était sa copine, papa. Et de cette union-là, il y avait eu un enfant. Qu'on avait appelé Judas. Et puis quand les tous sont morts, on les avait regroupés comme ça. Il y avait un évêque d'une église répétée. Il était sur le plateau quand ce film est sorti. Et on a commencé à les questionner. Qu'est-ce qu'ils pensent de la résurrection? Est-ce que c'était une réalité ou c'est un langage spirituel? Et l'évêque, Soit disant pour respecter les normes scientifiques de l'archéologie. On a côté, les preuves sont là. Donc lui commence à croire que Jésus vivait dans une relation secrète de Marie et femme avec Marie de Magdala et que de leur union. Clandestinement. Mais comment on peut connaître une telle histoire à celui que tous les démons ont reconnu ça? Soyons quand même sérieux. Comme on dit en Lingala, tous à la batoua et Mamadouni. Comment pouvez-vous permettre de coller les mêmes insanités à celui que tous les démons ont reconnu la sainteté? Comment vous pouvez avaler ça? Donc Jésus il vient prendre les signes. Donc je me dis, ah, celui-ci il est avec. D'une église. Que vous connaissez. Oui, bien que ça. Moi, disant grande église, église mère. Il ne fait que soutenir cette théorie mensongère-là. C'est pour se consoler dans les comportements que les prêtres de cette église. Au nom d'un certain principe de l'hypocrisie sacrée, un prêtre, quand il veut se divertir, il est humain, compréhensible, il doit se déguiser. Il ne doit pas le faire publiquement. C'est le principe de l'hypocrisie sacrée. Je vous demande l'église. Il y a plusieurs formes d'hypocrisie. Qu'est-ce qu'on veut nous enseigner? Alors lui a cru à ces choses parce que c'est ce qu'eux-mêmes font en secret. Le mariage, Hébreux 13, verset 4, on l'a écrit et c'est une recommandation du Nouveau Testament, que le mariage soit honoré de tous, et que le lit conjugal soit exempt de tous, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Mais comment Dieu jugera-t-il pour ces humains? C'est par l'homme qu'il a choisi, appelé Jésus, et pour lequel il a donné une preuve évidente à tous. Jésus l'a qualifié pour juger les vivants et les morts, et la preuve c'était sa résurrection. Nous disons amen. Amen. Dieu l'a ressuscité pour les qualifier. Qualifié par sa résurrection. Mais imaginez un instant que cette résurrection soit une fiction. Donc, l'évangile qui est une affaire d'aventure. Où est-ce qu'on veut nous amener? Ce sont des satanistes. Je vous dis que tous ces gens-là sont des complotistes satanistes. Ce sont des inconvertis. Ils ne connaissent pas le Christ, ni sa puissance. Alors, ils font des montages divers pour discréditer l'évangile. C'est comme il y a un acharnement inouï contre le message de l'Occident. Les démons utilisent toutes sortes d'hommes pervers et de femmes pervers. Ils font n'importe quoi et racontent n'importe quoi. Vous avez vu cette campagne diabolique de Jésus ou rien? Et avant ça, il y a un farceur qui s'est levé pour dire, j'aime Branham plus que Jésus. Des aventuriers de ce niveau-là. Vous voyez? Et quand on pose des questions, il va s'enfoncer davantage. Vous voyez, c'est la très bonne. Ça ne s'arrête pas là. Maintenant, il y a encore un autre. Qu'on dirait encore un pasteur, soit disant de Branham. Il aurait voulu reproduire les œuvres d'Abraham. Il a pris son fils, qu'il a amené sur un autel pour le donner à l'offrande à Dieu. Ça, c'est encore le scandale. Frère, ce sont des malades mentaux. Ce sont des fous qu'il faut soigner au sein de peuple. Il a dit qu'il voulait donner son fils cadeau à Dieu. Il a amené, il a égorgé son fils. Malheureusement pour lui, ça a mal tourné. Son fils a cédé, il est mort. Maintenant, on est venu l'arrêter. Ici au Congo Brazzaville. La vidéo aussi, les images, est difficile. C'est pour ça que nous disons, avant de monter à la chair, vous devez d'abord naître de nouveau. Et ensuite être baptisé du Seigneur. Ensuite recevoir un appel divin pour le ministère de prédication. Un homme qui est passé par tout ça ne peut pas en arriver là. Il a verrouillé ce Christ. Et c'est pour la sécurité de vos âmes. Voyez tout ça? Maintenant, ça fait encore du bruit, les militaires sont là, la population est venue pour faire la clameur publique. C'est une flagrance. La police est là. Et le type est là, tout confit. Dans les cracas, le bras derrière. Avec les traces du sang de son propre fils. Son donc certainement derrière vous apprendrez qu'il avait reçu une révélation que Dieu lui avait demandé de lui offrir son cœur. Certainement c'est des histoires comme ça. Alors frère, quand des gens viennent vous dire Dieu m'a révélé, il y a des démoniaques incontrôlables. Tout doit revenir à l'autorité de la parole. Il faut tout soumettre à la Bible. Ce qui n'est pas conforme, jeter sa dedans. Nous disons amen. Alors le Seigneur a fait ça en Israël pour trouver une raison. On a colonisé vers les païens qui ne sont pas. Alors Israël qui était jaloux devait maintenant dire de ses propres yeux, voir que Dieu, leur Dieu, est allé effectivement. Et pour y aller, il a utilisé quelques-uns de leurs fils. Leur fils même juste. Pour amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Paul n'était-il pas juste? Et Dieu l'a envoyé à toutes les nations. Et Pierre n'était-il pas juste? Il a prêché à Jérusalem. Il a été en Samarie. Il s'est retrouvé aussi chez Corneille. Dans une maison de païens. Pour introduire le Saint-Esprit. Alors les juifs font grincer les dents. Ils ont manifesté la jalousie. Mais c'était sans effet. Dieu avait trouvé raison pour envoyer son nom à nous les gens de la terre. Il est merveilleux. Alors, ça c'était à sa première venue. À sa seconde venue, il viendra sur la terre comme la première fois. Mais il atterrira par la montagne de Zolie. Non pas la montagne du soleil couchant aux États-Unis d'Amérique. Ou dans une ville de ce monde ici. C'est près de Jérusalem. C'est là qu'il viendra. La prophétie est précise. Il n'y a pas moyen de prêter oreille aux idées des uns ou des autres. Prenez ce que la parole a déjà dit. Et là il viendra non pas sur une nuée. Mais entouré de plusieurs nuées. C'est comme cela qu'il vient. Sur les nuées du ciel. En 1963, une seule nuée qui a montré le signe du Fils de l'homme dans le ciel, comme on l'a vu. Comme un avertissement que sa venue est imminente. Sa venue réelle est imminente. Mais il apparaît, nous donne le signe dans le ciel pour confirmer que le message de préparation qu'il a confié à son prophète William Branham vient vraiment de lui. Et il est la divinité suprême. Il est le juge suprême de Dieu et de l'éternel. Ce signe-là dévoile tout ça. Il est la divinité suprême. Et il est le juge suprême des cieux et de la terre. Il est le juge unique des morts et des vivants. C'est là qui est apparu, qui nous a donné le signe de son apparition. En 1963, à travers une seule nuée de gloire. Mais ce n'était pas la seconde venue du Seigneur. Alors, jeudi, nous avons entendu une courte exhortation sur l'église qui se prépare récemment au miracle de l'enlèvement. Et le vendredi, pour éclairer davantage tout le monde, nous avons entendu notre sujet de méditation, c'était la seconde venue du Seigneur, équivalent à l'enlèvement pour l'église des nations, la seconde venue du Seigneur, comme un voleur. Donc il sera simple à nouveau, discret comme lors de Saint-Denis. Il viendra discrètement. Mais l'élément majeur lors de cette venue-là, ce n'est pas lui qui vient sur terre, mais ce sera l'église qui quittera la terre et ira à sa rencontre célestiale. De sorte qu'en parlant de cette seconde venue-là, le messager William Branham est venu préparer, c'est beaucoup plus l'enlèvement de l'église. L'événement majeur que le monde doit connaître, auquel le monde doit se préparer, auquel les nations doivent se préparer, ce n'est pas toujours l'avenir du Seigneur, mais c'est plutôt l'enlèvement de l'Église. Nous disons amen toujours. Et nous aimons ces vérités. Il faut aimer la parole. Hein? Chaque parole, chaque vérité a sa bonne place. Et ça nous ferait du bien qu'il en soit vraiment ici. Chaque vérité du Seigneur a sa bonne place. Moi là, ça me fait du bien. Toi aussi, ça doit te faire du bien. Nous aimons ça. Et nous pouvons rappeler en passant une des indications de la parole révélée dans l'âge de l'église de Sardes, les paragraphes 68, deuxième partie, âge de l'église de Sardes, le le 9 décembre 1960. Deuxième partie, gardez cela à l'esprit, car il s'élèvera de faux Christ. Jésus ne sera pas ici sur terre, parce que quand la trompette sonnera, ce n'est pas du tout lui qui viendra, mais c'est nous qui irons à sa rencontre dans le Seigneur. Parenthèse, l'église est enlevée. Et quand la trompette de Dieu sonnera, pas du tout lui, Jésus qui viendra ici sur la terre. Mais c'est plutôt l'église qui quittera la terre pour aller à sa rencontre dans le Seigneur. Ensuite, lorsque Jésus paraîtra, elle reviendra. L'église des nations ira à sa rencontre. N'est-ce pas? N'est-ce pas l'écriture qui nous l'a dit? On l'a lu dans Esaïe 54, verset 16 à 18. Nous irons à sa rencontre. Ce n'est pas lui qui viendra ici, mais lui descendra tellement ici. Change un peu de position pour se mettre là où nous allons nous rencontrer. Alors, nous irons à sa rencontre dans les airs. Et alors, nous monterons. Écoutez, Jésus ne pose pas le pied sur cette terre avant que l'église ait été enlevée à la maison et que le repas des noces soit terminé. Gardez cela à l'esprit. Gardez ça définitivement. Jésus ne pose pas le pied sur cette terre avant que l'église ait été enlevée à la maison et que le repas des noces soit terminé. C'est alors qu'il revient pour chercher le reste d'Israël. Voilà le plan. Le message vient pour préparer le retour de Jésus. C'est le principe divin. Avant de faire quoi que ce soit, il envoie un précurseur, il est préparé. Après ça, ceux qui sont prêts verront Jésus à sa venue. Et iront à sa rencontre. C'est évident. Nous irons à sa rencontre dans les airs. Mais après cela, nous célébrerons le festin de noces pendant 3 ans et demi. Tout ce temps-là, l'Église sera toujours au ciel. Et après avoir célébré le festin de noces pendant 3 ans et demi, Jésus laissera d'abord l'Église au ciel pour venir se révéler aux Juifs. Comme lorsque Joseph s'est fait connaître à ses frères, il avait demandé que tous ceux des nations, même sa propre épouse, soient écartés. Et là, il s'est retrouvé seul face à eux. Il s'est présenté, c'est moi, votre frère Joseph. Il dit Amen. Nous devons aimer. Nous devons aimer les choses de Dieu et sa manière de faire. Dans les sermons, la résurrection de Lazare, prêché le 29 juillet 1951, la résurrection de Lazare, le 29 juillet 1951, le prophète nous dit ici au paragraphe 39, remarquez. Mais avant que Dieu fasse n'importe quoi sur la terre, il envoie toujours un message, un avertissement pour préparer les choses. Sommes-nous d'accord avec ça? Il le fait toujours. Et je me sens donc religieux maintenant même. Regardez très bien. Je crois qu'il y a un mouvement en cours maintenant. Un avertissement de Dieu. Comme dit temps de Noé, préparant les gens, quelque chose qui est sur le point d'arriver, les puissances atomiques, et autres sont pratiquement prêtes à exploser sur nous. Des millions mourront en une fraction de secondes. Oh là là! Dieu prépare son église pour l'enlèvement. C'est quoi cet événement, l'enlèvement? La venue du Fils de Dieu. Les bombes atomiques sont disposées, elles sont prêtes. Et 2 millions de gens mourront en une fraction de seconde. Vladimir Poutine l'a dit. Hein? Le monde entre dans sa décennie la plus dangereuse. Les 10 ans ici qui sont devant nous, c'est la décennie la plus dangereuse pour le monde entier. Et Vladimir, et quoi ça, le président américain Joe Biden, il avait averti aussi le monde. Il a dit, il ne croit pas que Vladimir Poutine soit en train de blaguer lorsqu'il aborde les questions du nucléaire. Et de possibles réactions de son pays à des bombes nucléaires. Il ne croit pas qu'il est en train de badiner. Poutine est un homme très dangereux. Il dit, nous devons le prendre très au sérieux. C'est-à-dire que ce qu'il dit là, il est capable de le faire. Biden a reconnu. Et poussant son zèle loin, il a demandé aux Ukrainiens de quitter le pays avant que le pire n'arrive. Et regardez les dirigeants de ce monde, comment ils peuvent amener les gens à bout. Les Ukrainiens n'ont que l'Ukraine comme leur pays. À cause de vos intérêts et de vos guerres de démonstration et d'expansion, vous demandez à vos soldats d'un pays de quitter leur pays pour laisser ce territoire-là comme leur champ de bataille. Que lui, par exemple, s'affronte avec Poutine, la manique. Mais il protège chacun leur pays personnel. Donc on a pas que la guerre n'aille pas là-bas. Mes chers amis, nos dirigeants attrapent des fois la police. Les dirigeants politiques. Comme quelqu'un a écrit un livre il y a des années. C'est malade qui nous gouverne. Il a multiplié les exemples. Pour montrer que la plupart de ceux qui dirigent dans cette police, un grand nom, qu'ici soit des familles déséquilibrées, ils ont connu une enfance et une croissance trouble. Et c'est finalement ce genre de gaillard qui prennent le pouvoir. Et qui de fois font des dégâts comme s'ils n'avaient pas écrit. Fouillez dans leur passé. Et fouillez dans leur carnet de santé. Vous trouverez une maladie grave. On a cité Louis XIV, le grand empereur français. Parmi les premiers malades, on a cité Hérode. Du temps de la Bible ici. Il avait des crises de folie littérale. Comment il pouvait ordonner que les enfants soient tués, tous les enfants de 0 à 2 ans? Un homme normal ne peut pas faire ça. Mais parce qu'il tenait à éliminer les fameux rois des Juifs, il s'est réveillé. Et que lui n'a pas vu de ceci. Il envoie ses mires à les tuer tous les enfants. C'était dans un moment de crise de folie. Mais il était roi. Quand cette rage s'empare de lui, il donne les ordres. Il est derrière la salle. Et tout le monde là-bas comme des poules mouillées. Prend les armes, charge. Et passe les armes. Les ordres venant d'un détraqué mental. Mais parce que tu n'exécutes pas cet ordre, c'est toi qui seras exécuté. Alors il part vite exécuté. Miséricorde. Ce sont des malades mentaux qui sont dans ces affaires. Tous les gouvernements du monde sont diaboliques. Ils veulent l'amener à la vérité. Les nations du monde sont dirigées par des démons. Malgré le charisme de certains d'entre eux, ce sont des fils du diable qui sont en train de tirer les ficelles du pouvoir. Nous cherchons le royaume de Dieu. Mais peut-être nous ne sommes pas nombreux à chercher le royaume de Dieu. Nous cherchons le royaume de Dieu. Les royaumes de ce monde ne nous intéressent pas. Parce qu'ils passeront tous. Dieu prépare son église pour l'enlèvement. La venue du Fils de Dieu. Remarquez donc. Avant que Dieu envoie quelque chose sur la terre, il envoie toujours son message. Dieu envoie ses anges pour confirmer ou établir certaines choses. Amen. Amen. Et avant la bataille d'Armageddon, l'Armageddon, là d'Israël, aux portes de Jérusalem, il enverra d'abord deux prophètes en Israël. Tant que ces deux prophètes ne seront pas venus, la bataille d'Armageddon ne peut pas commencer. Ne peut pas. Ils doivent venir exercer leur ministère, terminer leur ministère. Ce n'est que dans la presse là, que la bataille d'Armageddon s'est perdue. Il faut que les choses soient préparées. Donc, il y a parmi les conditions le ministère prophétique de deux temps. Comme on l'a lu dimanche passé, Apocalypse 11, verset 3, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus des sacs pendant 1260 jours. Et ces deux témoins, nous l'avons vu dimanche passé, sont qualifiés de deux prophètes au verset 10. Bangolana Bajali, Basakolini Bali. Basakolini Bali. Au verset 10. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront de présent les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Bango va fendre dans mon fil, va consulter la tona bango, va colosse à essengo, va cocabo la tama cabo poete, va sacoliano mi balé, va tumolaki, va fendre dans mon fil. Donc, les habitants de la terre seront tourmentés sous leur ministère. Va cotongi samanassia le tomo la bango. Voyez-vous ça? Comuniango. Mais, leur ministère prépare Israël pour la guerre d'Armageddon. Ça le fera. Et que Salema. Israël bénéficiera de leur ministère. Ils n'en seront pas affectés. Mais souvenez-vous, Obanza, pendant que Moïse exerçait son ministère en Égypte, qu'est-ce qui est arrivé aux Égyptiens? Ceux qui n'étaient pas bénéficiaires de ce ministère, il y a eu diverses plaies qui frappent. Ça, c'est dans l'Ancien Testament qui contient les ombres du Nouveau Testament. Pendant que Moïse exerçait, il les frappait les Égyptiens. Mais Israël était à Goshen en sécurité. Cette image-là se reproduira quand Moïse viendra accompagner d'Élie, le deuxième. Après l'enlèvement de l'église. Pendant que nous serons au festin de notre ciel, sur la terre, dans le même temps, il y aura les deux témoins, les deux prophètes, exerçant leur ministère en Israël. Donc, au ciel, la fête, sur terre, Israël entend l'évangile, la trompette retentissant, les deux prophètes Moïse et Élie. Et le reste des nations, tourmenté par diverses plaies, qui dégagera le ministère de Moïse. Ils seront tourmentés sous une sorte de tribulation. Mais ce sera une petite tribulation par rapport à la grande tribulation qui elle viendra dans la seconde moitié, la deuxième tranche de 42 mois pendant lesquels Israël ou Jérusalem sera livré aux nations, volonté par les nations, comme on l'avait vu dimanche passé. Ce sera la grande tribulation. Voyez ça? Alors si vous prenez en général dans la courbe du temps, c'est que nous devons tracer ceci comme on l'avait fait le dimanche passé. Nous sommes ici en l'an 2022. L'enlèvement, la flèche qui monte au ciel, peut se produire à tout instant, on ne sait pas quand, personne ne le sait. Et après ça, il y a un petit temps intermédiaire, mais il y aura ensuite conclusion d'une alliance de 7 ans entre la papauté et une majorité des nations, y compris Israël. Le pape se sera présenté là comme étant le pacificateur, le pape de l'Église catholique romaine qui sera en fonction. Voilà une période de 7 ans ou une semaine d'année, cette alliance courra. Mais cette alliance et cette période de 7 ans sera subdivisée en deux tranches de 3 ans et demi. 3 ans et demi ou 42 mois. 42 mois, chacune des parties. Alors, Bongo. Pendant la première moitié, il y a les deux témoins. Deux témoins en Israël. Ils sont les deux prophètes. Sur terre, ils prêcheront revêtus des sacs. Et cette période ici, ce sera la petite tribulation. Tribulation. Tandis que la dernière moitié ici, ça s'appelle la grande tribulation, où bataille d'Armageddon. Toutes les nations seront embrasées dans cette terre. La grande tribulation. Que voyez-vous là? Après l'enlèvement de l'église, en réalité la période qui va s'ouvrir ici, elle est appelée la période de tribulation. Mais en deux étapes, tribulation tout court ici au début, sous le ministère de Moïse et d'Élie, ce sont les nations qui connaîtront cette tribulation, mais pas Israël. Mais dans la dernière moitié, et Israël et le reste des nations seront emballés dans la guerre d'Armageddon. Comment commencera cette guerre? Méditation. Il faut d'abord que le ministère de cette finisse. Et qu'il y ait reconnaissance du Messie par Israël. Jésus laissera d'abord l'église au ciel. Il viendra se faire connaître. Ils pleureront. Ils pleureront sur lui. Comme on pleure un fils premier-né. Comme on pleure un fils unique. Ça se fera comme cela. Mais à part ça, parce il y a également dans Apocalypse 16 une autre indication prophétique. Apocalypse 16, verset 12. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Mentionné d'ailleurs depuis le jardin d'Éden. Il traverse l'Allemagne. Il traverse l'Irak actuel. C'est un grand fleuve historique. Et c'est public. Jusqu'à ce jour. Ces eaux coulent encore. Ce fleuve-là existe. Et ces eaux coulent jusqu'à maintenant. Vous pouvez aller en Allemagne. Vous verrez les eaux de l'Euphrate qui coulent. Vous pouvez aller en Irak. Vous verrez les eaux du fleuve l'Euphrate qui coulent. Un grand et long fleuve. Maintenant, un phénomène prophétique se produit. Et ce sera la coupe du sixième ange. Il ne peut pas être versé sans que l'église soit placée. Avant l'enlèvement de l'église, aucune coupe ne sera versée. Le Saint-Esprit dans l'église bloque ça. Rien ne se fera maintenant. Tous ces anges dépendent aussi de nous. Il faut que nous soyons d'abord avec eux. Et les coupes seront alors bébés. Les sept coupes de jugement que vous avez dans l'Apocalypse. Elles sont différentes des sept trompettes de jugement. Êtes-vous là?